méchant, méchant. Wesh les gang, wesh t'es quoi les bails? Higo, faut que je me taille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Higo, faut que je m'arrache. Ce soir je fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Je ne fais que du sale, c'est grave. Des milliers d'euros, je me gave. Un gang où y'a que des braves. Impossible de baisser les armes. Je suis sur le parc central. À minuit, les ruelles sont bombées de cash là. Attention, un contrat. Cette petite tapette va nous sortir le chef là. Imbécile, joue pas les bandits. On connaît ton CD, vendeur de 20 balles. Maladie est sorti en condi. Je suis dans le bendo, je danse la rumba. C'est moi, quand sont que des flocons. Chez nous, c'est violent, rien n'est falsifié. La fille a dit qu'elle me connaît. Elle a kiffé sur le gros poney. Wesh le gang, wesh t'es quoi les bails? Higo, faut que je me taille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Higo, faut que je m'arrache. Ce soir je fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Le mogo est puissant, joint dans le bec et le gamo c'est luisant. Mes gavas ont pris des années de prison. Envoyer des mandats ça devient épuisant. De la baisse c'est moi, je suis dans le leçon enfoiré. Je claque pas mes talbans en soirée. Si je te loupe ce soir, t'inquiète je t'aurai. Je t'as dans l'homme au plat, je vais te perforer. Je sais que c'est une cata mais je la nique, je m'attache. Je sais que c'est une cata mais je la nique, je m'attache. S'il y a pas d'oseille, ton pion s'arrache. Si t'as pas l'oseille, ton pion te marrache. Marabout gang, le gang a augmenté les meucris. Trafic de suppos et escroquerie. Million d'euros, je ne sens plus la secrie. Le game je l'ai niqué, c'est rempli d'hypocrite. Le temps passe, t'es à la ramasse. Tu passes ton temps à parler de gof à 10h pile. T'es déjà au quartier. Fait près de la place. Le temps passe, l'argent je m'y rattache. Ça rase, il me faut mon gamin dans le garage. Paradis, on espère qu'on ira. Ça va, si je le fais, on se calmera. Wesh le gang, wesh t'es quoi les bails? Higo, faut que je me taille. Je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde. Higo, faut que je m'arrache. Ce soir, je fume la frappe. Je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang.